Chapitre 5e. Se rasant entre les haies comme des perdreaux au creux des sillons de blé, les deux frères atteignirent promptement l'orée des bois de Beaulieu et s'arrêtèrent un moment dans le taillis pour souffler. « Crois-tu, demanda Clément, que cet animal de Coupillard nous ait aperçu ?»« J'en ai peur, et s'il nous a reconnus, car il est trop finaud pour ne pas deviner où nous allons, et trop rancunier pour ne pas nous jouer quelque méchant tour. Dans tous les cas, tâchons de l'empêcher de nous suivre à la piste. » Cette pointe de la forêt d'Argonne est très accidentée. Dressée comme un promontoire au-dessus des plaines du Barrois, coupée d'étroits défilés et sillonnée de petits sentiers enchevêtrés, elle constitue une sorte de labyrinthe où les gens du pays eux-mêmes ont peine à s'orienter. Afin de mettre en défaut le sieur Goupillard, Edme et Clément grabirent une grimpette suspendue au flanc de la gorge, puis, l'abandonnant au bout de quelques minutes, se jetèrent dans une coulée transversale et se frayèrent péniblement un chemin à travers les bruyères. Après un long manège de descente et d'escalade successives, ils arrivèrent, fourbus et hors d'haleine, au sommet du plateau boisé. « À présent, murmura Edme, en s'essuyant le front, du diable si le marchand de biens nous retrouve, fût-il plus rusé qu'un renard. « Pour sûr, affirma le cadet en plaisantant, mais nous-mêmes, comment nous y retrouverons-nous? Où sommes-nous et de quel côté perche Beaulieu? C'est ce que je vais voir, dit Edme en dépliant sa carte. Nous avons laissé Briseau au sud, il s'agit de déterminer où est le nord. Combien je regrette de n'avoir pas remporté de boussole. J'ai lu quelque part dans Chateaubriand, observa son frère, qu'on peut s'orienter en examinant la mousse des arbres. Elle pousse toujours du côté du nord-ouest. Essayons, reprit Edme. Ils cheminaient à travers une profonde futaie de hêtres, et ils inspectaient les fûts grisâtres qui s'élevaient autour d'eux, pareils aux piliers d'une cathédrale. Ils furent vite désappointés en constatant que la mousse tapissait indifféremment la droite ou la gauche des troncs d'arbres. Ton Chateaubriand est un farceur, s'écria Edme avec irrévérence. La vérité est que la mousse s'amasse sur l'écorce au gré des courants humides, qui varient d'une façon absolument fantaisiste. Les romanciers se payent ainsi de contes bleus. Cherchons un point de repère plus scientifique, et voyons d'abord la position du soleil. La voûte verdoyante de la futaie était si épaisse que les rayons n'y pénétraient guère. Cependant, après avoir erré au hasard, ils parvinrent à une clairière où d'obliques raies de lumière empourpraient les broussailles et en allongeaient les ombres de droite à gauche. « Nous voilà fixés, » reprit Edme en se rassérénant. « Le soleil descend là-bas à droite, et Beaulieu est au couchant. Donc il faut marcher dans la direction opposée aux ombres portées si nous voulons arriver à notre gîte avant la nuit. « Va pour la droite, » répliqua insoucieusement le cadet, et il emboîta le pas de son aîné. Au vrai, Clément, pour le quart d'heure, se préoccupait fort peu du gîte. Enchanté de flâner en plein bois, il réservait toute son attention et son admiration pour cette magnifique futaie dont les colonnades se prolongeaient à perte de vue. Les lancements des fûts sveltes et droits, la verte lumière tombant du haut des ramures sur un sol tapissé de mousse et de fougères, la silencieuse profondeur des grands couverts, où l'on n'entendait que le gloussement des écureuils sautant de branche en branche, et l'étrange tac-tac du piquet-pêche martelant l'écorce, lui mettait le cœur en fête et exaltait ses sensations d'artiste. Sa joie fut complète quand il s'aperçut que le sol sablonneux et moite de la forêt était remarquablement propice à la croissance des champignons. Grâce aux dernières pluies d'automne, ils poussaient dru, étalant dans le demi-jour les découpures capricieuses et originales de leurs chapeaux, la variété de leurs couleurs assourdies. Tantôt isolément, tantôt par bandes, ils foisonnaient à ras de terre. Coulemelles aux parasols blanchâtres, fausses oranges écarlates, agarics poivrés s'ouvrant comme des coupes, chanterelles d'un jaune chamois, bolets rebondis et bronzés qu'on nomme dans le pays des moricots et qui sont reconnaissables à leur chair ferme, appétissante, à leur forme de gros bouchons de champagne. À l'aspect de cette profusion de cryptogames, Clément jetait des cris de victoire. Il avait ouvert sa boîte de botanique et, agenouillé parmi les broussailles, sans s'inquiéter du temps perdu ni des gronderies de son aîné, il faisait une ample récolte de cèpes comestibles. Il en emplissait sa boîte et embourrait les poches de son veston. Edme, piétinant d'impatience, assistait dédaigneusement à cette inopportune cueillette. « Tu en prends à ton aise, » grognait-il. « Tu devrais pourtant songer que nous perdons un temps précieux à des niaiseries. Profane !» ripostait Clément. « Tu ne traiteras pas toujours avec dédain ces délectables bolets. Ils nous fourniront un plat exquis, dont nous nous lècherons les doigts ce soir à l'auberge où nous souperons. L'auberge ? Répétait Edme soucieux. Elle est encore problématique. Du train où nous allons, savons-nous seulement si nous y arriverons pour le souper ? En effet, ils avaient marché pendant 3 heures, et la futaie semblait ne vouloir pas finir. La lumière décroissait. Les derniers rayons empourprés avaient disparu, et les sous-bois s'enveloppaient déjà d'une pénombre crépusculaire qui en accroissait la profondeur. Ils poursuivirent fiévreusement leur course, et virent enfin devant eux les arbres s'éclaircir. « Dieu merci !» murmura Edme avec un soupir de soulagement. « Nous touchons à la lisière, et Beaulieu doit être proche. » Illusion ! Ce qu'ils avaient pris pour la lisière du bois était simplement une sorte de carrefour au-delà duquel la futaie continuait ses massifs assombris par la fuite du soleil. Cette fois, Edme fut le premier à se démonter. Là, et l'estomac creux, il lança son sac à terre et s'assit à côté, rageusement. « Quelle guigne ! Nous sommes complètement fourvoyés, et dans 1 heure il fera nuit. »« Oui, mais nous aurons de la lune, » répliqua gaiement le cadet, en montrant au-dessus des arbres le premier quartier qui arrondissait la pâleur de son croissant. « À quoi bon jeter la manche après la cognée ? Tu trouves ça gai, toi, d'être forcé de coucher à la belle étoile, et par-dessus le marché d'y coucher sans souper. »« Sans souper ? Tu oublies que nous avons dans nos sacs quelques restants de victuailles, sans compter les cèpes que j'ai récoltés. D'ailleurs, ajouta Clément en arpentant la clairière et en y remarquant de distance en distance des cercles de terre noire, nous sommes ici sur l'emplacement d'anciens fourneaux à charbon, et les charbonniers de l'an passé n'ont peut-être pas démoli leur hutte. » Tout en causant, il continuait ses investigations et tout à coup s'exclamait. « Parbleu, la voici, la hutte, abritée sous les hêtres et pas trop endommagée. Viens voir !» Edme s'était levé et inspectait à son tour le terrain. Ainsi que l'avait annoncé Clément, la loge des charbonniers s'ouvrait sous la feuillée. Son toit de motte de terre était intact et à l'intérieur, 2 rustiques banquettes de clayonnage s'étendaient au long des parois voûtées. À quelques pas de l'entrée, une source glougloutait au creux d'une roche et s'écoulait vers un ravin. « C'est parfait !» disait le cadet en jubilant. « Nous aurons le vivre et le couvert, sans compter une belle eau pure pour nous désaltérer. Profitons du reste du jour pour préparer le campement. Tu vas couper toutes ces fougères qui nous procureront des matelas douillets. Pendant ce temps, je glanerai du bois mort et j'allumerai un bon feu sur l'une des places à charbon. Quand tout sera prêt, je te cuisinerai un souper de gala. » Edme, malgré sa lassitude, s'exécutait de bonne grâce. Les fougères poussaient à profusion aux entours. Il en arracha des brassées et en matelassa les 2 banquettes de la loge, tandis que Clément, très affairé, partait à la quête des branches mortes et en rapportait tout un fagot. Bientôt, entre 2 grosses pierres, posées en guise de chenet, une vive flambée éclaira au milieu du rond-point et le cadet des courouvres se révéla soudain un maître-queue accompli. Après avoir nettoyé ses cèpes, il les enfilait à 2 minces tiges de coudrier et ajustant sur les 2 landiers de pierre son tourne-broche improvisé, il le faisait virer au-dessus du brasier, exposant ainsi les champignons à une chaleur égale. Il avait retrouvé au fond de son sac un cornet de grosselle confectionné par la précautionneuse Monique et il en assaisonnait dextrement les brochettes. Peu à peu, un affriolin parfum de séproti s'exhala dans l'air du soir. Clément étala sur un journal le pain, les reliefs de volaille, 2 gobelets et 1 bouteille encore à demi pleine. « Monsieur est servi » cria-t-il plaisamment à Edme. « Et voici le menu. Brochette de cèpe à la forestière. Suprême de volaille sur canapé de thym et de marjolaine. Pain et eau de source à discrétion. Maintenant, à table. » Ils s'étendirent devant le foyer copieusement alimenté et jouèrent des mâchoires avec un appétit de jeune loup. « Eh bien, mon sage aîné, demanda Clément après un intervalle de silence, « comment trouves-tu le souper ?»« Excellent, déclara Edme, remis en belle humeur par la certitude de manger à sa faim et de ne pas coucher tout à fait à la belle étoile. « Tes champignons sont accommodés à merveille et tu mérites une couronne de laurier. » Avoue que j'aurais eu tort de ne pas cueillir ces savoureux bolets que tu méprisais et que la botanique a du bon. « Allons, poursuivit-il en tendant son gobelet, verse-moi 1 doigt de vin et buvons à la découverte du trésor. Comme dit Horatius Flaicus, oublions dans le vin les soucis d'aujourd'hui. Demain, nous reprendrons notre voyage à travers la mer verdoyante de la forêt. Demain, nous voguerons vers Chèvre-Chêne. Ainsi soit-il, soupira l'aîné en vidant son verre. l'allusion à Chèvrechaîne l'avait de nouveau rembruni. En dépit des surprises du souper, il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce que l'entreprise comportait de hasard. La fâcheuse rencontre de Goupillard, la façon absurde dont il s'était fourvoyé dans la futaie, lui semblait un début peu encourageant. Pendant le repas, le jour était tout à fait tombé et le croissant de la lune brillait comme une serpe d'or dans le ciel limpide. « À présent, reprit Edme, en refermant son couteau et en s'étirant, le mieux serait d'aller nous coucher dans la loge et de tâcher d'y dormir. Demain, l'étape sera longue et peut-être aussi fatigante que celle d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'un bon coup de sommeil. » Ayant rebouclé les sacs, ils les emportèrent en guise d'oreiller et gagnèrent, clopin-clopant, la hutte où ils s'étendirent sur les banquettes qui exhalaient une sauvage odeur de fougère. La nuit enveloppait la futaie assoupie. Le silence n'était interrompu que par le frais glouglou flûté de la source et tout au loin par le glapissement d'un renard au fond de l'une des gorges de la forêt. Encore qu'ils fussent vannés, les deux frères cherchaient en vain le sommeil désiré. Edme, surtout, s'agitait à chaque instant sur son lit de fougère craquante. « Tu ne dors pas, mon grand ?» murmura le cadet. « Ma foi, non. L'énervement de cette première journée et la préoccupation de celle de demain me tiennent éveillé comme une nichée de souris. Je songe aux difficultés qui surgiront quand nous serons à Chèvrechaîne. Ainsi que je te le disais ce matin, j'ai beau me creuser la tête, j'arrive toujours à cette conclusion que pour fouiller la fameuse cachette, il nous faudrait dénicher au chenois une personne sûre et complaisante, qui nous prêterait des outils et nous procurerait les moyens d'opérer nuitamment, car il me paraît difficile de procéder aux fouilles en plein jour. Penses-tu que les enfants de notre tante Cornélie habitent encore le village ? Je n'en sais rien. La tante Charmette ne parlait jamais de nos cousins, ni de sa sœur, qu'elle n'appelait pas autrement que la Renégate. Elle avait cessé toute relation avec ses parents, et ignorait peut-être elle-même leur résidence actuelle. D'ailleurs, qu'importe, s'ils ont quitté le chanois, tant mieux pour nous. Non, tant pis. Je ne comprends pas. Aurais-tu l'intention de renouer et de leur faire des confidences ? Parfaitement. Et j'ajoute que ça me semble le seul moyen de me tirer d'affaire. Mais alors, il faudrait leur abandonner une part du trésor. Ce ne serait que juste et honnête, et en toutes circonstances, l'honnêteté est la meilleure des politiques. Ainsi que l'observait ce Madré Goupillard, ils sont héritiers comme nous, et ils auraient intérêt à nous aider. À quoi bon raisonner sur des suppositions ? Balbutia le cadet en étouffant un bâillement. Il y a sans doute bel âge qu'ils ne sont plus aux chanois. Possible. Il serait tout de même à souhaiter qu'ils y fussent restés. Suis bien mon raisonnement. Un faible ronflement lui coupa la parole. Clément venait de s'endormir. Ça, c'est une solution, se dit ironiquement Edme Courouvre. Clément a pris le bon parti, et je devrais essayer de l'imiter. Après s'être tourné et retourné, il sentit enfin ses yeux s'alourdir. Peu à peu, il les glissa à son tour dans le sommeil, et un amical ray de lune, qui filtrait par une des crevasses de la toiture, s'abaissa vers eux comme pour les regarder dormir. À la fine pointe du jour, un étrange raffut secoua soudain les deux jeunes gens sur leur couche peu moelleuse. Encore à demi ensommeillés, ils se précipitèrent hors de la hutte, assez à temps pour voir bondir à travers les cépés une laie et 6 ou 7 marcassins. La bande dévalait dans le ravin et poussait de formidables grognements. « Voilà, » murmura Clément, en se frottant les yeux, « un réveil matin qui n'est pas banal. »« Et qui doit nous servir d'exemple ?» ajouta Edme. « Astiquons-nous et détalons vivement, afin d'atteindre avant midi la vallée de l'Air. » Rapidement, ils procédèrent à leurs ablutions dans la source et, rafraîchis, tonifiés par cette toilette matinale, ils s'apprêtèrent à partir. Vers la gauche, au-dessous d'un ciel bleuissant, une buée rose indiquait la place où le soleil se lèverait bientôt. Tandis qu'ils rendossaient leurs sacs, ils perçurent, dans la direction de l'est, des roulements de charrettes et des tintements de sonnailles. « Attention !» reprit l'aîné en dressant l'oreille. « Nous ne devons pas être loin d'une route. Il faut incliner à gauche. » Il avait raisonné juste, car au bout de 10 minutes de marche à travers la futaie, ils tombèrent sur un sentier qui descendait vers le fond d'une gorge. À mesure qu'ils avançaient, le bruit des voitures et les grelots des chevaux devenaient plus distincts. Peu à peu, le sentier élargi se transformait en une voie carrossable, puis débouchant finalement sur une route bordée d'arbres qui serpentait toute blanche au milieu de vertes prairies ballonnées, au-dessus desquelles les bois se relevaient en pente. « Cette fois, s'écria Edme, nous voici sur un chemin vicinal et nous allons pouvoir nous orienter. » Le ciel était couleur de perles, et les futaies se teignaient de cette aimable couleur aurore qui fait plaisir à boire, comme les premières rougeurs sur les joues d'une jeune fille. Des tranchées transversales découvraient d'intimes coins de paysage, ravins fuyants, mares ombreuses, clairières où des écureuils gambadaient. Le vent d'est apportait de limpides sonneries d'angélus. Dans la perspective des prés, les massifs s'écartaient et la surface miroitante d'un étang apparaissait en un encombrement de joncs, de bouleaux et de sorbiers. Une hutte de chasseurs aux canards effondrait sur la berge son toit de chaume en ruine et un bateau gisait à demi enfoncé dans la vase. De temps en temps, un bouillonnement agitait les joncs. Une poule d'eau émergeait, balançait son cou et sa tête inquiète, puis replongeait sous la nappe solitaire. Presque en face, une auberge profilait sur le fond verdoyant sa toiture de tuiles roses et sa cheminée fumante. Les deux frères, désireux de se dédommager du souper sommaire de la veille, résolurent d'y entrer pour déjeuner d'abord et puis pour se renseigner sur la direction à prendre. Ils eurent grand-peine à se faire servir. La cabaretière, peu habituée à cuisiner à une heure aussi matinale, cherchait en rechignant les éléments nécessaires à la confection d'une copieuse omelette au lard. Pendant qu'elle allait, entraînant ses sabates, de la huche à la table, nettoyant la poêle, cassant les œufs, coupant les lardons, Edme et Clément s'étaient débarrassés de leurs sacs. Assis dans la salle, ils venaient d'étaler sur la table leur carte routière et questionnaient minutieusement leur maussade hôtesse. Où se trouvait-il exactement? Quel était le chemin le plus direct pour descendre à Fleury-sur-Aire? La dame considérait avec une curiosité méfiante ces deux singuliers piétons penchés sur la carte et répondait d'un ton peu cordial. « Vous n'êtes pas du pays, assurément. Sans quoi vous sauriez que vous trouvez tout ceci dans la vallée de Bièmes, à mi-chemin des Îlots et de Beaulieu. Et comme ça, vous voulez aller à Fleury, dame. Votre plus court serait de traverser la forêt en biais par le Grand Georgeon et de longer ensuite la lisière des bois de Valy. Mais pour les étrangers, la route est difficile à tenir et vous risqueriez de vous perdre. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de gagner tout bonnement Beaulieu en suivant la route qui passe devant Saint-Rouen. Ah hein, Saint-Rouen ! Interrompit Clément. N'est-ce pas là où il y a aujourd'hui un pèlerinage ? Oui, tout un chacun y va, et la grand-messe commence à 10 heures. Oh, mon grand ! S'exclama le cadet, il faut absolument voir ça. Il y aura d'amusants croquis à prendre. Objecta Edme, peu enthousiaste. Ce ne sera pas le moyen d'arriver de bonne heure dans la vallée de l'Air. Bon, rien ne nous presse. Le pays est charmant, et ce serait vraiment dommage de ne pas le visiter à fond. Passe-moi le pèlerinage et après je te concéderai tout ce que tu voudras. » Quand ils eurent mangé leur omelette, arrosé d'un petit guingler du verre du noix, dégusté un café médiocre et réglé leur écou, la matinée avançait. Sac au dos, bâton en main, ils quittèrent enfin l'auberge et se dirigèrent vers l'ermitage, tandis que planté sur le seuil de sa porte, la cabaretière les suivait d'un regard soupçonneux. La route, jusqu'alors assez déserte, était devenue plus animée. De tous les chemins forestiers, de nombreux pèlerins affluaient. Piétons en blouse, jeunes séminaristes, ensoutanés, chartés de paysannes endimanchées, cabriolets bourgeois à la capote boueuse. « Pressons le pas, » disait Clément, « nous serons en retard. » En effet, un peu avant d'atteindre les prés, plantés de pommiers qui avoisinent l'ermitage, ils entendirent bourdonner la voix des chantres. La grand-messe était commencée. La chapelle s'élevait au bout des prés, à la lisière de la forêt. Bâtisse modeste, surmontée d'un clocheton en auvent où se balançait la cloche, et flanquée d'une maisonnette servant de sacristie. À quelques mètres sur le même plan, un réservoir ceint d'une margelle de pierre recevait les eaux de la source miraculeuse et formait une piscine à l'usage des fidèles. Dans les avenues conduisant à la chapelle, des véhicules multiformes s'alignaient, ainsi qu'un rempart autour de l'autel de feuillage où l'on officiait en plein air. Le gros de l'assemblée se composait de femmes et d'enfants, d'une 60aine de paysans et de quelques séminaristes en vacances, pieusement agenouillés parmi l'herbe. Les soutanes et les blouses jetaient des notes bleues et noires au milieu des toilettes bariolées des dévotes. Debout sur la première marche de l'autel, l'évêque, assisté de deux prêtres, bénissait les assistants, puis entamait le panégyrique du Saint-Ermite de l'Argonne. Le soleil déjà haut dardait de glorieux rayons sur l'autel étincelant, sur le prélat, le clergé et les pèlerins. Les deux frères se maintenaient à distance respectueuse, contemplaient la rustique et pittoresque cérémonie dont la nouveauté mettait en joie Clément et Courouvre. « Mon cher, murmura-t-il à son aîné, avoue que nous aurions eu tort de rater cette fête forestière. les lumières de l'autel, le scintillement de l'eau, les chasubles des chantres, les soutanes des enfants de cœur, les couleurs voyantes des toilettes féminines, l'évêque lui-même qui ressemble à un grand iris violet. Tout cela serait un régal pour un peintre. Asseyons-nous au revers du talus, je vais essayer de faire un bout de croquis. Il avait tiré du sac un album et des crayons. Très emballé, il s'affairait déjà à la mise en place des principaux groupes, tandis qu'Edme, beaucoup plus calme, ayant déployé sa carte, cherchait à se reconnaître dans l'enchevêtrement des chemins forestiers qui descendent vers la vallée de l'Air. Pendant ce temps, la grand-messe s'achevait. Une procession de tous les fidèles, clergés en tête, circulait dans une avenue parallèle à la lisière de la forêt et ne s'arrêtait qu'à la dernière station d'un chemin de croix. Les deux frères étaient si attentifs à leur besogne qu'ils oubliaient la fuite du temps. Il était déjà plus de midi. Les pèlerins se répandaient dans la prairie ou bien se dirigeaient vers une buvette installée sous les ramures. Edme et Clément demeuraient indifférents aux allées venues des promeneurs, sans se douter qu'ils faisaient l'objet de la curiosité générale. On se les montrait de loin et on semblait s'émouvoir de leur présence. Les gens de Brizot, présents à la cérémonie, n'avaient pas manqué de communiquer à leurs amis les méchants commérages de Goupillard. Par groupe de trois ou quatre, des paysans, les mains dans les poches, la mine sournoise, viraient autour des deux courroux et s'en rapprochaient insensiblement. Campés à quelques pas, le cou tendu, ils se communiquaient par des clignements d'yeux et des coups de coude le résultat de leurs observations. À chaque instant, le cercle se rétrécissait et des murmures bourdonnaient. En bons campagnards prudents, les curieux s'étaient d'abord contentés de chuchoter, mais voyant que les deux jeunes gens impassibles continuaient leur travail, ils s'enhardirent et formulèrent tout haut leurs commentaires. « Sais-tu ce qu'ils font là, toi, Faro ?»« Tu le vois bien, hé, homme, ils tirent les plans de la forêt. »« C'est-il pas les mêmes qui rôdaient hier à Brizot ?»« Oui, mon fils. Ah, ils sont malins. Allez, ils ont des tas de rubriques, ces sacrés Allemands. »« Ils se faufilent partout. L'autre semaine, on en a arrêté un qui photographiait les forts de Verdun. » On a bien fait de le coffrer. On devrait empoigner au collet tous ces étrangers qui traînent leurs guêtres par la forêt. Agacé, comprenant cette fois l'allusion, Edme relevait la tête et dévisageait le paysan qui venait d'émettre cette aimable proposition. Ah ça, interrogea-t-il, est-ce de nous que vous parlez? Peut-être bien. Alors vous nous prenez pour des espions allemands? Dame, s'en a l'air. Clément laissa son dessin et partit d'un éclat de rire. Par exemple, s'écria-t-il en se tenant les côtes. « Celle-là est trop forte. Tas d'infirmes, mettez donc vos lunettes. Est-ce que nous ressemblons à des Prussiens? Est-ce que c'est un plan que je dessine? Ne reconnaissez-vous pas votre chapelle et les bois tout autour ?» Ces éclats de rire ne réussirent qu'à piquer au vif les 50 badauds qui se pressaient derrière et devant lui. Déjà mal disposés, ils se crurent nargués et manifestèrent leur irritation par des rumeurs menaçantes. « Ouais, vous n'avez pas de nez, vous n'êtes pas malin, nous sommes de Juvigny, ça se voit pourtant bien. » poursuivait Clément en patois. « Je sens de Juvigny, ça se vaut pourtant ben. » La façon aisée dont le jeune courouvre se servait du dialecte local aurait dû dissiper les soupçons de l'auditoire, mais les foules n'aiment ni à raisonner ni à revenir de leur prévention. Cette suggestion d'espionnage, implantée dans des cerveaux simplistes de campagnards, flattait leurs préjugés et leurs rancunes, et ils n'en voulaient plus démordre. Ils se bornaient à hausser les épaules et à ricaner. Edme, que l'algarade amusait de moins en moins, s'était brusquement levé. Cette niaise obstination lui remuait la bile. Il empocha sa carte, jeta un regard rageur sur son entourage et s'exclama d'un ton cassant « Assez de sottises ! Si vous croyez que nous sommes des Prussiens, au lieu de biaiser comme vous le faites depuis une demi-heure, conduisez-nous devant une autorité quelconque qui nous interrogera et qui sera peut-être moins bête que vous !» Cela n'était point pour accommoder les choses. Ainsi provoqués, les gens de l'attroupement répondirent par des huées furieuses. « Enlevons-les ! Allô, les Prussiens ! Foulez dans la bième !» À ce moment, un petit homme sec et basané, à la barbiche grisonnante, portant l'uniforme de brigadier forestier, sortit des rangs. Jusque-là, il était resté perplexe, partagé entre la crainte de commettre une bévue et le désir de signaler son zèle. Mais subissant à son tour l'entraînement de la foule surexcitée, il se décidait à sortir de la neutralité. « Vous avez raison, jeune homme, » dit-il à Edme. Puis, se redressant d'un air solennel et assujettissant son képi, « Au nom de la loi, messieurs, » déclara-t-il, « je vous somme de me suivre chez monsieur le maire de Futot. » En même temps, il saisissait le bras d'Edme Courouvre et ordonnait à un simple garde, son collègue, de s'emparer de Clément. « C'est ça, » approuvèrent les assistants, « menons-les chez le maire. » les deux jeunes gens, s'efforçant de se contenir, pâles, les lèvres serrées, avaient endossé leurs sacs et obéissaient aux injonctions des forestiers qui les poussaient sur la route. Derrière, hommes, femmes et enfants se bousculaient, gesticulaient et bruyamment emboîtaient le pas. À chaque minute, le cortège grossissait, de nouvelles recrues accouraient, questionnantes. « Quoi qu'il y a, dites ?»« C'est des espions qu'on vient d'arrêter, » répondaient les mieux informés. « Où ça ?»« À Saint-Rouen. » Ils tiraient les plantes de la forêt. « Ah, les mandrins !»« Ils ont bien la mine de ce qu'ils sont. » »« Et où est-ce qu'on les mène ?»« Chez le maire. » »« À la bonne heure. Faut pas les relâcher. À bas les espions. » Au début, les deux frères s'efforçaient de faire bonne contenance. Mais il y a une grande lieue de Saint-Rouen à Futau, et plus le ruban de route s'allongeait, plus la situation devenait critique. Ils repassèrent devant l'auberge où ils avaient déjeuné et reconnurent la cabaretière qui s'élançait de son logis, bras nus, les cheveux au vent, les yeux allumés par la curiosité. Elle aussi avait reconnu ses clients de la matinée et, mise au courant de l'affaire, déblatérait à son tour. « Quel gredin ! Je m'en doutais ce matin, quand ils ont mangé chez nous. Même que j'avais dit à mon homme, il marque mal. C'est du gibier qui ne vaut pas cher. » La dernière partie du chemin fut particulièrement accidentée et pénible. La foule grouillante, dont la sauvagerie haineuse croissait en raison directe de la distance, menaçait du poing les jeunes gens que les deux forestiers avaient peine à défendre contre les bourrades des plus acharnés. « Mon pauvre Clément, chuchotait l'aîné, nous n'avons pas eu de veine, et ton croquis nous coûtera bon. Pour peu que nous tardions à arriver chez le maire, ces sauvages vont nous écharper. » Heureusement, on approchait. Le maire habitait un écart situé en avant de Futau. Un détour de la route, les prisonniers aperçurent une confortable villa, à la toiture d'ardoise, à la façade tapissée de rosiers, située entre cour et jardin. La cour était séparée du chemin par un seau de loup bordé d'une haie vive. On y accédait par une large porte grillée, où le tumultueux cortège s'engouffra à la suite des forestiers. Attiré par les clameurs de la foule, une jeune fille apparut sur le perron. Passablement étonnée, mais nullement intimidée, elle s'écria d'une voix nette et joliment timbrée. « Eh bien, que signifie tout ce vacarme ?